Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans notre studio, se trouve une personne, encore une amie de la France. Esta persona es una profesora que viene de la prestigiosa Escuela de Traductores de París y ha venido a estar con nosotros en la Facultad de Traducción para unas clases. Y ahora ha aceptado quedarse con nosotros en los estudios para hablarnos de una cosa que le gusta mucho. ¿De qué nos vas a hablar? De París. De París, nos va a hablar de París. Muy bien. ¿Dónde vives? J'habite à Paris, dans le 15e arrondissement, précisément. Muy bien. Et donc, j'habite la capitale de la France depuis 17 ans maintenant. C'est pour moi une ville très particulière. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Paris, bien sûr. Tout le monde connaît ses monuments. C'est ce que les touristes veulent voir. Pour un premier voyage, c'est logique. Hein, bien sûr. La Tour Eiffel, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe. Louvre, l'Arc de Triomphe, voilà, c'est tout à fait, ça vaut vraiment les deux tours, on ne peut pas dire le contraire. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on habite Paris, on s'aperçoit que Paris, c'est beaucoup plus aussi que ses monuments. Moi, je voudrais parler plus précisément d'une sensation qui se dégage de la ville de Paris, de ses rues, de ses habitants, je ne sais pas, qui est une ambiance assez particulière, en fait, qui procure une sensation de sérénité, une sensation paisible. Ay, qué gracia. Paris, con serenidad y con tranquilidad. Qui est quand même assez rare, voilà. Qui est quand même assez rare. C'est assez rare pour une capitale. Parce que bon, on peut se dire Paris, avec tout son vacarme de voitures, la cohue, les rythmes frénétiques des vies des Parisiens, qui exactement. Est quand même assez affolant, il faut bien le dire. Eh bien, malgré tout cela, il y a une certaine sensation qui flotte en l'atmosphère, pour ainsi dire, une sensation de paisible, de sérénité, que personnellement je n'ai ressenti nulle part ailleurs dans aucune autre capitale du monde, de celles que je connais au moins. Oui, et lesquelles par exemple? Bah, Madrid, Rome, Londres, Stockholm, bon, des capitales oui. D'Europe. Je connais aussi d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles ressentent la même chose, des étrangers qui habitent à Paris. Et qui disent la même chose. Voilà. Entonces, en conclusión, hay que ir a París para dos cosas. Ver monumentos y voilà. Disfrutar, profiter d'une ambiance, un ambiente. Absolument. Essayer de le saisir et d'en voilà. Profiter. Et c'est dommage vraiment d'aller à Paris et de passer à côté de cela. De cela. Ay, qué vergüenza me da, porque yo nunca he sentido eso. A la prochaine fois, pour tu la vois, prochaine peut-être. Fois, tengo que abrir mi sensibilidad. Es una cuestión de sensibilidad personal, seguramente. Sans doute. Mais on est quand même nombreux. Pero compartida por muchos. Et voilà, sí. Partagée par un certain nombre d'étrangers qui habitent Paris. Voilà. Donc, oui, si... C'est quelque chose qui mérite d'être indiqué. Y muchos españoles, Azorín, y muchos pintores. Voilà. Vous avez de nombreux peintres espagnols qui absolument. Ont... Qui ont sans doute perçu la même chose. Quelque chose à Paris. Voilà. C'est parfait. Conclusion, ir à Paris. Ah ben ça, je le conseille fortement. Muy bien, très bien. Et de Paris, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que te gusta de Paris? Paris, il y a une vingtaine d'arrondissements en tout. Oui. Et il y a une chose aussi qui me frappe beaucoup, et que je trouve très intéressante, c'est le fait que d'un arrondissement à l'autre, il y a aussi beaucoup de différences. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation générale que j'évoquais tout à l'heure, mais après, chaque arrondissement à son tour a son ambiance propre. Des ambiances qui peuvent être radicalement différentes, radicalement opposées parfois. Si vous prenez par exemple le 16e arrondissement, le 7e, le 6e, ce sont des arrondissements très très beaux, assez chics. Oui, c'est vrai. Mais à côté de cela, vous avez aussi des arrondissements très populaires qui ont un charme tout particulier, comme par exemple le 11e, oui. Quartier de la Bastille, le 9e arrondissement, avec son musée de la vie romantique, par exemple. Et tantas cosas que no están en las guías. Voilà. Parce que voilà. El distrito número 11, le 11e arrondissement, no está en las guías. Ce n'est certainement pas les plus connus, peut-être mis à part Bastille. La Bastille, la place de la Bastille. Le 12e arrondissement, encore moins. Encore moins. Le 12e, pues no hay nada. ¿Qué hay dans le 12e? De qui me vas parler du 12e? Il y a des passages, des ruelles absolument charmants qui synthétisent bien l'esprit de Paris, je dirais. C'est vraiment très intéressant de se promener dans les ruelles, dans les petites villas du 12e arrondissement, des petits patios. Ah, c'est vrai. Des petites cours intérieures, ça vaut vraiment le coup d'essayer de se glisser entre des portes quand elles sont à moitié ouvertes. Comme les spazios de Cordoba, verdad? Voilà, un peu ça. Voilà. Cordoba en Paris. Voilà, un peu ça. Oui, c'est vrai. Ça vaut la peine. Il y a un barrio qui se llama la Campagne à Paris, ou algo así, non? Dans le 20e arrondissement. Oui. C'est comme un tout petit village avec des petites maisons, son casitas, non, verdad? C'est ça, tout à fait, oui. Et là encore, oui, on a un Paris tout à fait différent, qui n'a rien à voir avec le Paris du 8e arrondissement, avec ses grandes avenues, ses boutiques de mode. Oui. Donc c'est vrai que chaque arrondissement est un monde différent. Certains d'entre eux font vraiment petit village. Si vous prenez les quartiers de la Butte aux Cailles, dans les 13e arrondissement, par exemple, ça fait vraiment petit village. Oui. Et le marché de la rue Mouffetard? Ça encore, c'est une, encore une autre quelque affaire. Chose de vraiment emblématique. Un mercadillo de choses qui se fait en la calle misma, o sea, siguiendo la... qui est très très parisien aussi. Très parisien. Très parisien. Et il y en a d'autres, hein, à part celui de la rue Mouffetard. Il y en a un que j'aime beaucoup, Place d'Aligre, dans le 12e arrondissement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ahora que me lo dices, mira, ves, a veces estamos en Paris. On n'y pense pas, Oui. C'est vrai que ce n'est pas les quartiers les plus fréquentés, les plus connus des touristes. Mais qui valent largement la visite. Quoi. Très bien. Queridos oyentes, vamos a parar un momentín, vamos a escuchar una canción y después Susana nos va a decir más cosas de París porque es intarissable, ¿verdad? Tiene un montón de cosas para decirnos. Ahora la dejamos descansar un poco y ahora nos vemos. Hasta ahora. Y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade la culotte en l'air à les entendre. On croirait bien qu'on est pinté tous les matins. Mais voilà, j'habite en France et la France c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Y en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe mais swing à côté de leur godasse. Il y en a qui disent qu'il y a sûrement 2-3 cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à boire, à les entendre. On croirait bien qu'en France il n'y a pas de musiciens. Mais voilà, j'habite en France et la France c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il n'y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a... Chers amis, nous sommes ici de nouveau. Nous allons continuer à parler de Paris. Susana tiene una reserva enorme de cositas para decirnos, muy agradables todas, y vamos a continuar. Entonces. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de certains lieux de la capitale qui me plaisent particulièrement et qui méritent la visite, mais il y a aussi encore beaucoup d'autres. J'échange par exemple au cimetière de Père-Lachaise, en particulier à l'automne. Ah, c'est formidable. Je conseille vraiment parce que c'est, bon, Il n'y a pas du tout une sensation oppressante, disons, oui, dans un cimetière. Es el cementerio, lo vuelvo a decir en español para los oyentes, el cementerio del père, del padre, del tío Lachaise. Lachaise. Lachaise, es su apellido. Le père Lachaise, comme si fuera la Cilia. Absolument. Le père Lachaise. Il y a beaucoup de cimetières à Paris. Oui. Celui-là est peut-être le plus emblématique. Il y a de nombreuses personnalités qui sont enterrées là-bas. Oui, bien sûr. Mais là, encore une fois, ce n'est pas ça qui fait le charme de la visite, enfin, de la visite au père Lachaise. C'est vraiment le fait de parcourir les allées, en particulier à l'automne avec les feuilles jaunes. Là aussi, on a une sensation absolument inimitable qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et después, perdona, en el cementerio del Père Lachaise, una cosa muy graciosa. Ahí está enterrado Chopin, el músico Chopin. Oui. Y también está enterrado Pierre Musset. Alfred de Musset. ¿Y sabéis quién está ahí en medio de los dos? Pues está George Sand, que fue amante de uno y de otro. Voilà. Están ahí los tres. Pour l'anecdote. Le ménage à trois, comment se dice, pour l'anecdote. Absolument, oui, c'est un très bon exemple. Eso sí. Pues muy bien. Y después, ¿qué nos dices? Après, bon, bien évidemment, les jardins de Luxembourg, est incontournable, n'est-ce pas, dans le 5e arrondissement, le square du Vergalant, au niveau du pont Neuf. Ah oui, c'est vrai. C'est aussi vraiment un lieu absolument charmant. Pour ceux qui aiment sortir, à Montparnasse, il y a des brasseries très caractéristiques. Oui. Bon, tout le monde a peut-être entendu parler de la Coupole. Ah oui, la Coupole, bien sûr. Qui a vraiment un plafond classé. Mais bon, ce n'est pas la seule brasserie. Hein. La Rotonde en face. En face aussi. Aussi voilà. Une bonne choucroute, une bonne bière, verdad? Una choucroute, una cerveza. À Montparnasse. Et voilà. Después, il y a bailar. Et voilà. Et à côté de ça, il y a aussi l'aspect culturel. Moi, j'aime beaucoup les bibliothèques parisiennes, parce que c'est absolument prodigieux la richesse des livres, de toutes sortes de cultures qu'on peut trouver à Paris et qu'on ne trouve pas partout non plus. Oui. Oui, vous êtes vraiment, Susana, realmente muy sensible, tienes una sensibilidad muy aguda. Mm. Y lo que dices, después los torpes como yo dicen, ah, pues es verdad. Pero hay que tener mucha sensibilidad. O sea, lo cual quiere decir que hay que ir a París con sensibilidad. Je pense qu'il faut aller chercher autre chose que ce qu'indiquent les guides touristiques. Voilà. Perfecto. Il faut aller peut-être avec un autre regard, d'autres yeux. Il y a encore quelque chose qui n'est pas très connu et qui est particulièrement intéressante, du moins pour moi, peut-être pour d'autres personnes aussi. Moi, j'aime beaucoup flâner au fil, par exemple, de plaques commémoratives qui rappellent les combats de la capitale, les lieux de mémoire. Oui. On apprend beaucoup de choses et c'est vraiment une visite de Paris complètement différente. Ah, mais c'est vrai. Voilà. Vous allez, par exemple, dans les quartiers du Marais. Et ça vaut le coup de regarder les plaques qui rappellent, bon, malheureusement, la déportation des Juifs, bien sûr, mais on porte quand même un autre regard sur les quartiers, sur les souffrances où sont vécues, les souffrances qu'il a endurées et sont vécues. Vous pouvez aller aussi à l'emplacement du Vélodrome d'hiver, qu'on appelait les Veldives, qui avait fait l'objet de rafles en 1942-43 des Juifs, qui est dans le 15e arrondissement. En dehors de la capitale, il y a les Monts Valériens qu'on ne peut pas louper si on s'intéresse à ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment, ça apprend beaucoup de choses sur la vie de la capitale. Et je pense qu'on est un peu plus en syntonie, pour ainsi dire, avec ses habitants quand on se penche sur cet aspect-là. Certainement. Pues muchas gracias, Susana. Nos ha dado un paseo muy bueno de París. Entonces, a pesar de... Malgré le revers de la médaille, il faut peut-être le dire oui, quand même. Claro, c'est-à-dire que Paris, à part tout ça, c'est aussi le bruit, la pollution, les grèves des transports récurrentes, très agaçantes, aussi bien pour ceux qui travaillent que pour les touristes qui arrivent. Et puis le stress des Parisiens qui fait qu'ils ne sont pas toujours de très bonne humeur. Exactement, nous le disons à l'unisson et malheureusement c'est vrai. Absolument. Mais il faut tout de même, on va tout de même quand même dire vive Paris. Vive Paris. Voilà, absolument. Très bien, ça sera nuestra última palabra para nosotros oyentes y que vayan numerosos a visitar la capital de Francia. Voilà, espérons-le. Muy bien. Gracias, Susana, y hasta otro año, si Dios quiere. A bientôt, j'espère aussi. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.